Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission dédiée aux arts sonores, à l'exploration des musiques nouvelles et aux sonorités qui nous transportent ailleurs, tout simplement. Vous écoutez ça sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, la radio qui aime le son, et sur la toile à ckrl.qc.ca pour les auditeurs de partout sur la planète. Alors voilà, je vous propose ce soir une rencontre avec l'artiste sonore, elle est vidéaste, musicienne et poète, Sylvie Chonard, qui mène depuis plusieurs années un projet artistique multidisciplinaire. J'aime dire que c'est quasi holistique comme démarche, une démarche qui explore à même les grandes questions écologique et social de notre époque. Artiste, oui, on peut le dire, artiste engagé, à l'écoute du monde vivant, Sylvie Chonard a parcouru beaucoup de chemins artistiques depuis les premières expressions, ses premières expressions artistiques, milieu, fin des années 80. Je la reçois ce soir à propos de ses récents albums intitulés « Lieu du temps » et « Siècle seuil ». Comme je l'ai souligné lors de ma dernière conversation avec Sylvie, il y a quelques années maintenant, résumer une trajectoire artistique, c'est toujours un peu périlleux. Cela dit, je peux dire que Sylvie Chonard est une artiste aux horizons infinis, d'abord guitariste, chanteuse, poète, vidéaste, féministe et militante pour une société davantage solidaire. Inspirée par le chant des baleines et l'idée de les préserver, elle va réaliser entre 1989 et 2018 un vaste projet intitulé « Les projets de la baleine » qui cumule des expérimentations musicales et sonores, des univers poétiques et littéraires ainsi que des œuvres vidéo. Alors voilà, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Sylvie Chonard, l'artiste multidisciplinaire qui a pris logis sur les terres de Portneuf-sur-Mer, un village de la Haute-Côte-Nord dont elle nous raconte toutes les richesses environnées, il va sans dire, d'extraits sonores et de propos relatifs à ses récents projets artistiques. Alors, parole à Sylvie Chonard. Sylvie Chonard, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver. Merci de m'inviter. Moi aussi, je suis très heureuse de te voir parce qu'on t'entend, mais on ne te voit pas. Oui, c'est ça. C'est le grand mystère ça, de la radio. Sylvie, je voulais entamer cette conversation avec toi à propos de là d'où tu viens ce matin, Portneuf-sur-Mer. Tu es là-bas depuis quoi? Une trentaine d'années, je dirais? Pas du tout. Je suis allée vivre à Portneuf-sur-Mer à partir de 2015. OK, OK, parce que je croyais que c'était plus ancien que ça, mais qu'importe. Pour toi, c'est tout de même, un rêve que de rejoindre la Côte-Nord. J'aimerais que tu me parles de Portneuf-sur-Mer. Qu'est-ce qui t'inspire? Comment va la vie dans ce coin de pays? Bon, alors, Portneuf-sur-Mer, c'est assez magique. C'est D'abord, un village très, très tranquille et très, très, très beau. Sur le bord du fleuve, et il y a un banc de sable, puis il y a un marais salé qui est plus ou moins inondé à chaque marée. Et c'est un endroit magnifique pour les oiseaux migrateurs. Donc, on a des belles oies blanches de ce temps-ci en arrière. Il y a des hérons bleus, des canards. C'est un paradis d'oiseaux. Il y a des bécassos qui volent en gang, puis qui font des figures extraordinaires sur le banc de sable. C'est un milieu fantastique. Il y a une rivière. Puis, il y a des kilomètres et des kilomètres de plages, de sable. C'est sauvage. C'est le fleuve dans son état très brut. C'est magnifique. Dis-moi, Portneuf-sur-Mer, est-ce que c'est un hasard que tu te sois retrouvé là, il y a 6 ou 7 ans maintenant? Oui, c'est un grand hasard parce que moi, j'étais d'abord allée vivre en partie à Tadoussac. Mon lieu préféré, c'est Tadoussac. Mais à Tadoussac, il n'y a pas de maison abordable. Puis je me cherchais une maison abordable. J'avais jamais vu Portneuf-sur-Mer et je suis arrivée à Portneuf-sur-Mer en cherchant une maison abordable pour moi. C'est un beau cadeau finalement que tu fais le destin que de te retrouver dans ce lieu qui est magnifique, très inspirant, j'imagine. Sylvie, ce matin, on se voit notamment parce que tu as produit un album récent qui s'appelle Les lieux du temps. Et là, je mets 3 petits points parce que c'est le temps de beaucoup de choses, de beaucoup de beaucoup de contextes. Et avant d'en parler plus avant, on va écouter une pièce tiré de cet album. C'est une pièce qui s'intitule « Les lieux du temps des naissances ». C'est la première pièce de l'album. On l'écoute et puis on revient ensemble sur ce beau projet. D'accord. Thank you. Sylvie, Les lieux du temps, c'est ton dernier projet. C'est un projet, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un projet tout de même à la fois inspirant, mais très inspiré. Et j'aimerais que tu nous parles de ce projet. Comment tu l'as bâti? Parce qu'il comporte une envergure écologique, une envergure politique, une envergure allégorique. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ce projet. C'est un projet très émotif. Tu sais, souvent, je vais fonctionner par urgence. Je travaille, je fais de la recherche, j'essaie des choses, puis à un moment donné, je découvre des techniques. Dans ma recherche, il y a toujours un aspect de découvrir une technologie, découvrir une technique. Et là, dans mes recherches, j'ai trouvé des technologies qui me permettaient d'avoir trois dimensions en même temps. Au moins trois dimensions en même temps. Donc, et c'est après une année encore de pandémie, de difficultés mondiales. Et aussi, je travaille beaucoup avec la thématique des lieux. Puis, comme cette année, en 2021, j'ai questionné le temps, j'ai questionné le futur et j'ai écrit là-dessus et que j'ai commencé dans un projet de recherche qu'on va parler tout à l'heure qui appelait le futur, qui appelait aussi la culture du futur, la culture qui questionne le futur. Et là, j'ai vraiment plongé dans l'univers du temps futur, du temps qu'on vivait, des grandes émotions qui se passent dans le monde. On est vraiment dans une quête là qui est animée ou conditionnée, ou je devrais dire une quête qui est alimentée par ici maintenant. Oui, on peut dire ça, par ici maintenant, puis le fait de se relier au monde. Puis comme je suis à Portneuf-sur-Mer, le fait de me relier à la nature, c'est quelque chose d'important parce que quand tu es à Montréal, te relier à la nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ruelle verte peut-être ou jardiner sur son balcon, mais à Portneuf-sur-Mer, c'est être dans un documentaire animalier. c'est vivre un rapport, c'est comprendre plus aussi les Autochtones et leur culture ancestrale. C'est vivre un rapport à la nature où la nature, c'est la nature qui décide. C'est pas toi qui décide. T'apprends à t'harmoniser avec la nature. Sylvie, on va écouter une autre pièce de cet album qui enchaîne très bien avec ce que tu racontes. Ça s'intitule « Les lieux du temps des racines ». Et on poursuit notre conversation autour de ce projet « Les lieux du temps ». Sylvie, ce projet, Les lieux du temps, tu mentionnes qu'il est inspiré des chroniques du futur. Et j'ai un peu fureté à gauche et à droite sur ton site et je me disais, bon, il y a là un projet en développement parce que je n'ai pas trouvé énormément de documentation. C'est un secret, ces chroniques du futur? Alors j'ai appelé ça les chroniques du futur, mais c'est que, là, quelques années, j'ai commencé un projet d'écriture de roman qui est terminé, qui s'appelle « La danse et l'arbre ». Nemi Nanu et Michtiku. Parce que où j'habite, c'est le Nitassinan. C'est la terre des Innus. Et c'est sûr que quand on veut se relier au monde, ben on se relie à la culture Innu aussi. Et j'ai voulu réfléchir au futur. J'ai voulu inscrire une histoire qui se passait en 2046 et 2047. D'où l'idée de chronique du futur, mais c'est pas ça, c'est un roman, ce n'est pas des chroniques du futur, mais oui, j'aimerais beaucoup élaborer ce concept-là de chronique du futur, puis peut-être m'inspirer des lieux du temps pour élaborer les chroniques. Est-ce que ton point de vue sur ce futur là, il est optimiste, il est lucide. Comment tu le vois, ce futur? Ben je le vois comme je vois le présent, c'est-à-dire avec toute sa part de choses qui n'évoluent pas vers une humanité qui est harmonieuse, qui se développe en solidarité et en justice sociale. Mais à côté, il y aura toujours les alternatives, il y aura toujours des mouvements solidaires, il y aura toujours des mouvements de création qu'on ne comprend pas nécessairement. Tu sais, comme moi, le rap, aujourd'hui, je le comprends plus ou moins. Je suis dans un monde presque sans rythme, avec une parole écrite. On est ailleurs, là, maintenant. Et ça va continuer, cette création-là de solidarité, de révolte, de tenter de regarder le monde vers une humanité qui est plus humaine. Sylvie, on va poursuivre l'écoute de ce bel album, une pièce qui s'intitule « Les lieux du temps à l'écoute ». voilà ce qui complète le premier volet de ma conversation avec l'artiste Sylvie Chonard. Je vous reviens après un bref battement promo. C'est la Croche-Oreille. On est sur les ondes de CKRL 89.1. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. C'est la Croche-Oreille de retour avec vous pour la seconde partie de ma conversation avec l'artiste sonore et musicienne Sylvie Chonard, qui vit et travaille aujourd'hui à Portneuf-sur-Mer, en Haute-Côte-Nord. Portneuf-sur-Mer, c'est un village côtier situé en aval de Saute-aux-Moutons, de Longue-Rive pour celles et ceux là, qui ont le territoire du Québec à l'esprit. Sylvie Chonard a produit de nombreux albums aux titres très évocateurs, Océan avant, Alloctone. Elle a aussi produit une myriade d'œuvres expérimentales sous l'intitulé Les projets de la baleine, projet qu'elle a réalisé en collaboration avec de nombreux artistes de la scène musicale et sonore expérimentale. On peut d'ailleurs retrouver ses nombreux travaux sur son site internet. Sylvie Chonard lançait il y a quelques mois un album d'expérimentation sonore et musicale faisant écho à ses explorations antérieures des lieux que nous habitons et qui nous habitent aussi intensément. Je pense entre autres à lieu de la mouvance, lieu de la transe, lieu du monde, lieu de la danse, lieu du corps. Son dernier album intitulé « Lieu du temps » aborde des thèmes qui lui sont très chers, le temps des naissances, le temps des racines qu'on a pu entendre en première partie, temps des formes, temps des vagues, des œuvres sonores réalisées à la guitare électrique, accompagnées de voix, d'instrumentation électronique et de bidules logiciels numériques. J'en ai donc profité pour l'interpeller sur les inspirations de ce projet, discuter de ses dernières collaborations avec l'artiste Annie Saint-Jean notamment, et faire le tour avec elle sur l'état du monde en ces temps pour le moins perturbés, sinon perturbants. Alors voilà, suite de ma conversation avec Sylvie Chonard autour de son univers sonore et poétique. Le cœur reste nomade. Sylvie, tu pratiques la guitare depuis longtemps, la guitare électrique. Ma question est toute simple. Pourquoi la guitare? Ben, moi, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu d'ADN là-dedans. Hein, si tu regardes dans les guitaristes au Québec, il y a eu Mario Chonard. Dans les Abigeons, il y avait Gilbert Chonard, je crois.

Sylvie, tu as réalisé un beau projet qui est diffusé sur la plateforme Tour de bras, qui a été réalisé par cette équipe de Rimouski. Ça s'intitule... Siècle Seuil, hein? Oui, exact. Siècle Seuil. Tu réalises le projet avec Annie Saint-Jean, et j'aimerais bien que tu me parles de l'histoire de ce projet, oui. Qui est très beau, soit dit en passant, comme la plupart de ton travail, mais celui-là est très singulier. Oui, on peut dire que là, j'ai vraiment travaillé l'exploration, l'expérimentation, plus que d'habitude. C'était un défi. Alors, c'est un appel de tour de bras aux artistes en général, en art sonore et en art visuel. Un appel qui était « Tout le monde au poste ». C'était donc un travail fait par un artiste visuel qui était jumelé à un artiste sonore. Et j'ai appliqué et j'ai été sélectionnée. Et j'ai été jumelée à Annie Saint-Jean, que je ne connais pas, qui fait un travail singulier en photo. Donc, j'ai élaboré tout l'aspect musical sonore avec cette idée de siècle seuil. Et là, j'ai donc relevé un défi de composition, de superposition, d'improvisation, de travail avec des programmations aléatoire. D'ailleurs, les programmations aléatoires m'interpellent énormément. Et donc, c'est ça. C'est un projet qui s'inscrit dans les chroniques du futur, si on veut. C'est une référence au temps. Et voilà. Sylvie, siècle seuil, ça demeure tout de même un titre un peu énigmatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Ça appelle à réfléchir sur les problématiques climatiques présentement, puis l'inactivité, l'inertie, ou le discours, mais pas l'action, pour changer la société comme il le faut, pour changer nos usages aussi, pour prévenir une dégradation de la planète. Donc, pour les jeunes, siècle seuil, ça a beaucoup de résonance. Pour les personnes âgées, moins. Pour les personnes qui ne cultivent pas la conscience de ce qui se passe dans le monde présentement, ça n'a pas de résonance. Mais je crois que présentement, il y a une majorité de gens qui sont sensibles, puis avec la guerre qui se rajoute, qui sont sensibles à un changement majeur de nos façons de vivre, surtout occidentales, de meilleur partage, puis aussi de changer nos technologies. Il y a une vision du monde qui va changer nos technologies. C'est celle-là qu'il faut cultiver aujourd'hui, puis qu'on peut s'attendre à ce que demain, ça soit plus élaboré. Sylvie, on va écouter une pièce tirée de cet album, Siècle Seuil, une pièce qui s'intitule « Utopie ». Thank you. Sylvie, pour compléter un peu notre conversation, j'aimerais que tu me parles de l'état du temps présent, ce qui se passe sur la planète. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce qui se passe là à l'échelle globale? Qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement? Les êtres humains vivent des émotions assez fortes. Et puis, l'Occident est particulièrement touché dans le sens que l'Occident, habituellement, est préservé par la richesse, par les moyens. Ça ne veut pas dire que tout est égal pour tout le monde. Mais là, l'Occident est touché aussi, alors que d'habitude, c'est seulement que des pays émergents, comme on appelle, ou en voie de développement, comme on appelle, on appelait dans le passé. Puis, ce travail qui est fait au niveau communautaire et au niveau culturel nous amène à avoir une sensibilité face aux autres, face aux autres cultures, puis à se décoloniser, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut construire comme société demain, puis qu'est-ce qu'on veut construire comme solidarité avec les autres peuples. Pour bien du monde, c'est impensable de faire la guerre. C'est impensable d'utiliser des armes puis de détruire un peuple voisin. On est dans un rapport avec les superpuissances qui nous oblige comme planète à réfléchir à ces superpuissances, à les contrôler davantage, à les empêcher de détruire les autres pays et à les obliger à négocier, à prendre la voie pacifique pour résoudre des conflits ou pour atténuer des conflits. Oui, les conflits sont là. Il y a des difficultés que rencontre la cohabitation sur la planète, mais il y a une façon de faire orientée dans le pacifisme, mais pas un pacifisme qui utilise les armes pour réussir à avoir la paix, mais plutôt d'échanges culturels. On voit dans le sport, on voit dans les échanges culturels une connexion entre les différentes cultures, puis il n'y a personne qui a envie de détruire l'autre, là. Donc, c'est notre travail dans le milieu communautaire, culturel et de solidarité internationale. C'est notre travail de faire avancer ces idées de solidarité et de paix. Thank you. Sylvie Chonard, travailleuse infatigable dans le champ de l'art, artiste multidisciplinaire. Qu'est-ce qui s'en vient, Sylvie, comme projet dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, là, je suis très contente de pouvoir sortir de chez moi, là. Et puis, à Tadoussac, il y a un happening des arts qui va y avoir lieu le 10, 11 et 12 juin. Et je vais être participante au niveau visuel et au niveau sonore. Et puis, à l'automne, le 23 octobre, il va y avoir un concert à la chapelle Saint-Cyriac à Jonquière. Dans le cadre du Festival des musiques de création, j'ai eu une belle invitation d'André Duchesne, le directeur, et qui m'a dit qu'il m'invitait pour souligner ma persistance et mon éclectisme. Alors, je suis bien fière. Et on peut dire que cette année, c'est mon année guitare, parce que c'est ça que je travaille à développer, puis c'est encouragé par cette belle invitation d'André au Festival des musiques de création. Voilà. Sylvie, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très, très agréable. Et puis, au plaisir de te voir en personne à performer cet été à Tadoussac ou ailleurs. Merci beaucoup. Puis je veux te remercier aussi pour le petit travail que tu as fait la dernière fois. Je t'avais invité à intervenir au niveau sonore et tu l'as fait et j'étais très ravie de ce que tu as présenté. Merci. Grand plaisir. Salut. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore, musicienne et écrivaine Sylvie Chonard. Grand merci à Sylvie de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que vous retrouverez sur les plateformes actuelles CD et Bandcamp. Vous retrouverez également le détail des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que le balado de l'émission. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, pour une autre aventure sonore. Salutations aux gens de Portneuf-sur-Mer. Restez des nôtres. Mathieu Johnson s'amène avec son rock médium ici. Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL.